somme revient. Pour cracher des paroles à cercle, je te préviens. Violent comme un cercle, j'interviens. Écoute le rap à la radio, dis-moi si ça te convient. Trop de mecs prennent le micro et parlent pour rien. Dire des choses censées, pas respect pour nos anciens. Dire sur l'état, pas sur ton cousin. S'unir, la solution face aux politiciens. Écrire des textes fous au niveau dans la compétition. Tu l'as compris, si on vise la performance, un rap qui perfore la concurrence. Trop ambitieux peut-être, mais nous au moins on avance. Nous au moins on compense les carences du hip-hop en France, frère. On n'est pas en vacances, la résistance à peine commence. Les mecs se mobilisent, le R&B je neutralise. Je mets Matt Pokora sous dialyse. Je perds pas espoir qu'un jour mes rêves je réalise. Pour ça, je suis accro à l'écriture comme un graffeur à ses bombes de peinture. Je m'en fous de faire un 16 mesures. Moi je fonctionne à la page ou à la carte où je tente. Mec, c'est narcos dans la conscience, je t'ai l'encre. Bon sang, ils comprennent pas qu'on marche à la passion. Dans le bon sens, nos lyrics conscients sont la potion. Beau son, avec beaucoup de patience, ça donne du bon sens. Ils comprennent pas qu'on marche à la passion. Dans le bon sens, nos lyrics conscients sont la potion. Beau son, avec beaucoup de patience, ça donne du bon son. J'ai pas attendu de voir des étoiles filantes pour faire le vœu de connaître le bonheur à l'intérieur du poste. Des milliers de rimes défilantes, mieux qu'une lettre à la poste. J'suis là à la bonne heure pour arriver jusque là. Beaucoup de sacrifices, j'ai la volonté pour éviter les précipices. J'te présente un rimeur au talent d'écriture. Narco plus classe que de la haute couture. Les coups durs, on en a rencontré. Des grosses pointures, on en a remballé. T'as reconnu le style étincelant. On a toujours été insolent envers ceux qui se contentent de faire des petits tubes de merde. J'bois ta santé et j'titube pas, j'ai pas de clair copier. J'débarque avec mes sauces, n'essaie pas de nous copier. Une grande claque dans ta face, tu vas finir estropié. Ça t'étonne à MC, dis pas quoi de Scarface. Sorti des clichés, ton rap ça fait. Moi j'ai pas besoin d'icodrine, prépare la déco du crime. Certains ont pris des directions, nous on reste soudés. Même sous la pression, les MC qu'on a dessoudés font des dépressions. Bon sang, ils comprennent pas qu'on marche à la passion. Dans le bon sens, nos lyrics conscients sont la potion. Beau son, avec beaucoup de patience, ça donne du bon sens. Bon sens, ils comprennent pas qu'on marche à la passion. Dans le bon sens, nos lyrics conscients sont la potion. Beau son, avec beaucoup de patience, ça donne du bon sens. Dans le hip-hop, on est tous des princes quelque part. Tous excités comme avant un match quelque part. On reste authentique, on a la tchatch qui effraie les politiques. Notre son se concentre frais, automatique. L'écriture je n'ai pas, je sais pas pourquoi certains nous ont trahis et même haï. Je m'excuse de toutes les fois où j'ai défailli. Rassure-toi, je n'ai jamais failli tout stopper. Moi ce que je veux c'est stopper les meilleurs instrus. Chaque année ramener un meilleur cru. Je prétends pas être le dieu du rap. Comme dieu dont on comprend app. Toujours mon humour, moi je bosse avec amour. Mon vieux rêve de gosse, réaliser cette maquette. Et peut-être un jour réaliser ma quête. Bon sang, ils comprennent pas qu'on marche à la passion. Dans le bon sens, nos lyrics conscients sont la potion. Beau son, avec beaucoup de patience, ça donne du bon sens. Bon sang, ils comprennent pas qu'on marche à la passion. Dans le bon sens, nos lyrics conscients sont la potion. Beau son, avec beaucoup de patience, ça donne du bon sens. L-A-R-C-O-Z.